بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عن الحرازم ناقلا عن شيخنا وسيدتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وعنا بهما في الشرح صلاة الغيبية في حقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني وحقيقة الأحوال هي التمكين في الثبوت لتقلب التجليات الإلهية وتطور الأنوار القدسية مع التلوين بمقتضياتها وتوفية حقوقها وآدابها ومنشأها أصلا إلى آخر. kon jotay bi wessu gisul nañu ñent xaj yi nga xamantene ñom la nit ñi xajalo ci roy yi ñuy rayent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam groupe bu ñëk bi moy borom xam xam yi ngam dañ koy roy ci seeni wax ñaaral groupe bi moy ubbadi ñom jaamu katu yalla yi dañ koy roy ci seeni jëf ñettelu groupe bi moy soufi yi ñom dañ koy roy ci seeni jikko ñentel moy arif billah arifuna ñom ñi nga xam deug non lañ mel ñom dañ ko roy ci seen xal en fait soufi buñ koy soufi moy en fait comme niñ ko gissé manam ñent groupe yi ay groupe la yu tégalo manam yo xam tane ben bi day téggu ci manam bu ñew day gëna appliquer wu ci benen bi ko wala ndax en fait soufi moy lolu moy alim ya'malu bi'ilmihi ba al-alim ya'malu bi'ilmihi lol moy soufi warab xam xam bu joge xam xam bi mo soufi wala soufi du lu compliqué borom xam xam la bu joge xam xam wa ñi selal bismillah kon wala wala sax mo xaran dan ko pokela munon muné su fekkonté na fuqaha uy dañuy jëfé manam dañuy jëfé seen xam xam et que bu len nit ñi topé ñu tektal len rek li ñu jang ba paré ñom ñukoy jëfé appliquer ko à la lettre comme niñ ko xamé comme ñom la ñuy ñom ñoy nek soufi manam kon ñom ñoy nek soufi ndax soufi du dara lu dul borox xam bu jëfé xam xam voilà lol kessala yor sen yola le kon borom xom xom yi ñom sen yoon moy dañuy jëlé ci wax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam lo xamantene dana tax ba ñu genn ci lepp lo xamna luñu leen di mëna topé la wala ci ay bakkar donc ñom sen objectif principal moy nañ taxé ba dugg aljana ñom lol moy sen objectif de nga ñooñu la wax borom xom bi ce qui veut dire que ni yoon bi kon il faut nga am xam xam ça c'est le principe fondamental teki wul nak ne da nga wara nek imam malik wala imam shafi radiyallahu ak ñu melni ñom radiyallahu ak ñu melni ñom radiyallahu jamia mais teki wul lo mais au moins mu yitté wo xam xam voilà non parce que sinon ci ay supposition nga nek ci ay supposition nga nek ñaarelu groupe bi wala moy kon ubbad yi ñom dañuy jëlé ci yarante bi sallallahu alayhi wasallam manam ay ndigalam lo xamantene dana tax ak wañéku ak ay rek rek manam sori jambi donc ñom sen ñom bartalu mbir manam sen objectif principal te fa la moy sen finalité bi ñu soxla moy yalla borom subhanahu wa ta'ala tag leen bak leen manam maggal len manam wala bok ñu am ak mag bu maggal gu tuggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala fa borom bi ci yowmal qiyamah buñ taxawé ci taxaway bi ñu deng am ben rulo mi buñ fa am ñu yegg deug nak gu wax deug yalla ñi borom mi torofé lañ borom mi maggal lañ borom mi taggal lañ ñom bo sa lo ñu gëna kawé manam ñom kon yamu ñu rek ci di jëfé lo xamné rek da leen di tax ñuy dem aljana wala muccu sawara kessé mais luy tax bu yowmal qiyamah vraiment ci kanam nit ñepp ñu siggi am gëdd am ciir ñettel bi ñom ñoy soufiyé ñom doylo wuñu ci loolu yépp mais ñom dañu dugg wa jaar ci yoonu yenenti alayhi salatu wassalam té yenenti alayhi salam seen yoon li ci jëk té moy jikko wo d'abord seen ay jikko comme lu démé nek lewet hein di jéggelé di jëlélé ak tabé ak di joxé hein priorité voilà moy eufel ak di djegal way togné ak di len do ak di bal len dal ak ci yenen yudul yoy ci ay djiko voilà ci yenen yu mel non ko ci ay djiko ay woyef ay wacce sa bop bu ne reey reey lu ci kaw nit ñi ay tabé yaatu deun wala am ndortu gu rafet ci nit ñi doxale bu baax manam li ñuy tuddé ci ko ju rafet lool ñepp xam nañ ko ci ko ju rafet mom makarimul akhlaq c'est moy la chose la plus partagée dans toutes les sociétés moy makarimul akhlaq lool tax yeen dubu sallallahu alayhi wasallam ni man inna ma wasul li utamima makarimul akhlaq lu boko porte wa moy di koy rafet dama ñew pour motalé ko manam parce que ñepp xamnañ ni sat baaxul par exemple wax lu deug baaxul ñek deug am solo et cetera voilà ñepp xamnañ lool donc voilà day kon ñu jikko yoyep day nek ñom ay deugou sincérité voilà hein wour manam nek ko xamne day neex defleunte parce que da nga wour voilà buñ la voilà kene dula denk dara ki nga ko wax fi la xari jaaro nak goneye ko laaru goneye ko fi ki won ak fi la ko teggo nak di lak dada yalla ñu yalla sam et cetera wala ko manam yoy yep la wala do wala di fausse ay rendez-vous ay ñoy jikko rafet rek moy bañ ko def manam yoy ñoy jikko rafet melo yoy sa ci par de que nit ki tamit day top yoon bobu au moins manam au moins le minimum bu nit di meuna def meuna am moy au moins mu am jikko rafet voilà au moins voilà mais aussi yeneen yi tamit ci jikko yi rafet la bok lu demé nek di jappalé deug di baña jappalé tiaxan voilà di bëgg lu bax bëggal ko sa bop bëggal ko ñepp voilà yeneen nit ñi lu rafet yeneen leen lu bax voilà di bañ di ak yeneen yu mel nona même ay bañ di ngistal bañ di déggutal bañ di yim sa bop ak du bañ di reuy di gën nga ndolu ci kaw nit ñi voilà ak baña am complexe que ça soit bu infériorité wala bu supériorité parce que en fait de toute façon ñoy andant complexe infériorité supériorité de toute façon ñoy andant bo amé complexe ko am complexe en fait mo exister complexe mo exister wala len kiko am mom day am tout temps manam mom kumu gis rek ci nit ñi da koy comparer ak bopam budé gis na ni ki kat mom ci ñortam bu ñaw bop moy am su gisé ni ki kat man mako fété kaw da koy xép doyal ko duko wacc way duko jox gëdd duko jox importance wala da koy juger selon mom limu japp ci njortam bu ñaaw bobu mu amé su jappé tamit solo ay critères yu doyal yi muy calculer mom que ni ki kat mako fété kaw wala bok wala momu fété kaw momu fété kaw bu baba day dali ñak fayda ci kanam torox ci kanam nek danaka ku tekiwul dara ci kanam ñaar yoy lay am manam bu nogol ba te mbir mi rek motax bokku na ci nattu yi gëna mag yu nit di mëna am mom mo am complexe bok mom nattu bu reuy yalla nañ ci yalla musal ak tamit di def ngir yalla tax parce que d'une façon day feña gis nga lima señ amadou sall musa la wax de toute façon kuy def te yalla taxul de toute façon day feñ parce que loy def da ci feñ en fait ak loy wax da ci feñ c'est à dire que day évident ci nit ñi que ni yow li ngay wax ni wala li ngay def ni yalla taxul ñepp dañ koy xam yow rek mi koy def ya ko dul xam yow ya dul xam na nit ñi xam nañ ni lool mais subhanallah c'est à dire que day mujj sax day agaçant en fait day agaçant ça la bu ki manam day xawa nakare supporté yalla ñala sabu deug ak yenen ak yenen voilà di respecter nit ñi jox leen respect jox leen cieur yeb ay jikko yu rafet la bañ leen di doyatal di leen bañ di nuyul doole di leen baña jox ñak jox seenu geud nga gis nit ñi nga japp leen comme sa bop yépp nak dafa jafé bu amul benn bu ci simple yi ñi wax ni hein faut pas croire que c'est simple simple xewul yalla la wërsegu yalla la kuko yalla defal defal nalako mais kum ko defulul tamit c'est parce que tout simplement dafa simple et que na def yittim day ak ciono pour am ko akibi voilà parce que simple yombul voilà yep ay xéti jikko lo xam na wa al tasawuf dañ koy waam soufi manam yi la c'est à dire que li la mom moy jikko yi rafeti voilà am kersa tamit hein kersa manam moy jikko yi nga xamné dañuy nek tout temps ci digënté moy li yent bi sallallahu alayhi wasallam na khayrul umur awsatuha moy khayrul umur li gën ci mbiri té moy yi dug doom mbir mu nek li ci dig doom lool mo gën voilà manam kersa mom mo gën ben ñak kersa ci ben walla ak ñak fayda parce que ñaar yoy ñuy extrémité kersa digënté bobu la ak tabé gis nga tabé bi mu tudd mom tamit day nek ci extrémité ci digënté ñaari extrémité ben bi moy nay comme niko ñepp xamé bi ci dess mom moy di passaré di yaq parce que bobu tamit yalla bëgguko manam al mufsidin inna la yuhibbul mufsidin yalla soppul ñi yaq voilà amna tamit na wala tubazir tabziran innal mubazirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu bi rabbih kafura bul di passaré gu metti gogo voilà tabzir ak al-fasad en fait al israf wa déjà dafa am fasad ak israf ak fasad ñom ñaar duñu ben ñu ben israf ñom ñep wolof yak la len wax en fait ñet yep bo xolé israf fasad tabzir wolof yak la len tudde mais duñu ben israf koku ci alal lay demé matériel le bien matériel koku israf la yak fasad koku même boudé moyen matériel lañuy jëfëndiko wala ay doxalé koku ci jikko la ci jikko la plutôt manam jikko yi ñom ñoy yaq même bu fekente ne day am jeexital ci moyen matériel kanta motax ñu ñu gëna graw mufsiduna yi ak tab mubazziruna yi parce que mubazziruna yi moy ñi passar passaré ñoñu alcorane daf leen tuddé né ay mbokki sheytaane lañ kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu bi rabbihi kafura ta sheytaane dafa weddi boromam weddi gu taratar kafur la jëfëndiko kanta nay ak yaq lol tamit ñu bëd dañ ci joom lolou ajuul ci quantité wu li ngay dépenser mais dafa aju ci rapport qualité prix manam rapport entre limay dépenser ak lima ci dépenser fofu la ngay nek ak tabé tabé ak nay fofu moy sen différence manam mën na jël 100 millions dépenser ko fer na fekk lolou ma def nay la tuddu mën na jël 100 millions dépenser ko fenn fokk loolu ma def tabé la tuddu mu jël 100 millions dépenser ko fenn fekk loolu la la tuddu yaq tout dépend parce que mbir bi dafa dépend ci rapport qualité prix ak moy yalla nak moy yalla ap 15 bu moko ca defé loolu yaq la tuddu passer passer la tuddu kanta lu bax lo xamantene 1 milliard moy tax mu dox te ma yor ko buma ci defé te mu leer mané man na ko ta def te duma wañi lu manam duma wañi lu bari ma jël 100 millions def ko ta lolu nay la tudd nay la tudd mu def la nay yaq ak la tabé tabé moy même boudé 15 la mbir momo 15 dong mo koy régler mo bañ cey def lu upp 15 lolu tagal la tout tagal khairul umuri awsatuha mbir yi li ci gën moy li digg doom yo ñoy jikko rafet waaw té ñoom ñoy jikko yenenti ya alayhi salatu wassalam lool mom moy jikko rafet ni moy jikko yenenti ya alayhi salatu wassalam ak lool njambaara tamit bo xolé jikko ju rafet la mais dafa nek ci digënté ñaar extrémité extrémité bu ñëkki wi moy bi gën bi gaay gën xam moy ak ragal ak yambaré ak ragal benen extrémité bi moy dofé bi xaru dofé ak xaru lolu du njambaré voilà manam kon yeb extrémité la topal jikko yeb nak deug voilà topal mbir yeb di nga gis ne jikko yi nonu lañu topanté lolu mom motax ila ghayri zalika jëm ci lenen yudul oy min al akhlaq ci jikko yi légui nak mu dess ñam arif billah arif billah ñom dañu dugg njombartal yi nga xamantene moy extrémité wu yoonu yenente yi alayhi wassalatu wassalam té mom mo ran moy yëngël gi ñi yëngël bu mu jaamu gu go xamantene dara raxu ko nga xamantene dara raxu ko té moy lan moy jallar bi ko bi ñi jallar bi ko ci xalu hadaray hadara borom subhanahu wa ta'ala ak melo manam ci melo gi ñi melo melo yalla borom subhanahu wa ta'ala wala melo kon bi ñi melo wala melo borom bi subhanahu wa ta'ala ak incarner gi nga xamne mom lañuy incarner turu yalla yi ak ay melom te yi nit ki bu xosse ba mel tamit ci jotay bi wessu leralon nañ ko bu ko xasse ba mel ba jikko ko ci ginnaw gi amul leneen luddul nek yalla xana nek yalla mo nek ginnaw gi te lolou xam ngeen nu mën ta nek ndax yalla mu benn bur rek la amul ñaare wala legui xal yoy mom lay definir manam naka lañu nekké naka ngay mëna melo melo yi manam melo borom subhanahu wa ta'ala yor jikko yi nga xamantene ñoo manam yor incarné li nga xamni mom moy tour yalla ak ay melo lolu gis nañu jotay bi yéx mais réalité bi bir mom lan la mune wa haqiqatul ahwal haqiqa hal yoy nak hiya moy ak tamkinu am ak jappandal moy stabilité am stabilité hein mina subuti ci sax li takal manam deug li takalubi ci di ñeel jallar bi ku tajalliyati moy tajalliyati feñu way al ilahiyati ko jubur yalla subhanahu wa ta'ala wa tatawuru akbari way wad jalla manam yengaluk al anwar lere al qudusiyati gi ko jub borom subhanahu wa ta'ala ma atalwini andak ne manam di sopandiku di soppeku di jël couleur bi muqtadayatiha ci yambir yoy di waral wa tawfiyati ak matal huquqiha ay haqqam wa adabiha ak ay teggina lor moy kon deug xali nan nga koy incarner moy lan moy d'abord il faut nga am possibilité ou di meuna sax manam am stabilité ci di sax ci tajalliyat ilahi manam borom subhanahu wa ta'ala tout temps dafa am ay tajalliyat yu muy def ci yow ak yu muy def a travers yow ak ci yow ay feñu yu lay feñu ci moment bu ne yow yaay war di def sa su ne ngay xam li kat borom bi li lama feño mu meuna am sax gog wa mu meuna raxas mu meuna am stabilité jappandal ci bu affaire bi ñewé rek mu adapté wu automatiquement ci tejal yaat yoy mu meun ci adapté wu wala suma feño wé ci jalal yoy ñu melo jalal mu adapté wu mul torox lu ko won ko ne ko gis na la yow yalla ya may won sa bop ci tour sangam ci melo sangam nangam mun na ci won torox lu na ci sa kanam won na la la man kat jam la bu doye di ci sa kanam ci buntu bob pecha mu la feño ci jamal ngal ko ah gis nga won na la sama bok ma ngi ni wala et cetera et que leg bastu gi mo la ñu bastu aqab lool en fait nit ki buy dem ci yoonu yalla ci njaal ben gi ci lay am lu ñu tuddé al khawf ak ar raja khawf ak raja lay am ragal ak yaaka mais lolu pour débutant il en fait même bu fekente ne lolu dañ koy accélérer tuddé ko batay khawf comme ya khafuna rabbahum min fawqihim wala man dañu ragal sen borom bi leen fété kaw même bu dé lolu dañ koy wax ci buntu bobu tamit à un moment donné manam ci niveau spirituel bu carré ci walu terminologie borom manam nitu yalla ñom lolu après ben niveau bu yegg ci fof lolu bastu lañ ko tudde ki qabdu lañ ko tudde bastu lolu ñu tuko tudde ci khawf ak raja wala manam nit ki day am yaakar ha bu amé yaak manam bu amé ragal buy ragal wala muy yaakar day am ben moment qab liko woutale qabdu ak bastu qabdu moy khawf mais sauf que xam nga xawfu ragal moy loy appréhender ça de que mbir mi dafa yexegul mais qabd moy mbir mi mi ngi fi manam ya ngi dundu état bi sauf que da nga wara man inqibad bobu ngay am manam moy neubu gog ngay neubu yek ne borom bi kat fi tollu ni la la feño te li lay doxale ak yow nga sentir ko manam yek ak ngay yek ko lol moy qabd bi wala manam xal bi ngay dundu jamono jini instant bi ni li ngay dundu dotul loy appréhender manam mi loy dundu la wala xam nga comme borom ñi am xawfu ni bo gisee ñu def dekatal bi lool la moy ñi am xawfu ñom buñu toge li ñi gis rek moy par exemple li de bu mako deful bo moy tout yalla da na ma def nankam li de bu ma ci ki wut bo moy tout li ak sama jaamu yalla yi xeyna je mang koy def mais dara leeruma ci ne nangu nan ko ak tamit budé nangou nañ ko ndax duma dem ba yowmal khiyamati ñu jël ko fayé ko kenen ndax ay ak wala bok est ce buñ ko nango fi ak ma yegg yowmal khiyamati ndax dana ko mëna conserver manam fi ak may dé est ce duma fi def lu yaq sama jëf ci et cetera man ko xétu ragal la manam ay appréhension la la peur manam xawf alors que budé qabd du lolu qabd moy moment bi lay dundu manam moment bi la yépp né je suis faible manam et que dama am risque buma encourir instant bi ni té l'instant té là ma ngi ci risque bu mak et lo woro di ko am tout temps hein manam nonou lan li nga wax ni légui lan di jappal né jàng yo nek dama nek ci risque non parce que ñaari mbir la dañuy jallar bi ko manam xabbu ak bastu manam leg moment bi moy borom subhanahu wa ta'ala mo lay tek circonstance yo xamantene sa xol manam dim ci yek ben xetum jaxare ak ben xetum tis wala problème yu la dal wala problème yo xamantene me ci yu aju ci walu borom bi ak wala bok jaxare ak tis go xamantene da nga nek ci incertitude et que manam sa digeunte ak sa borom parce que tout simplement dafa am lumu la wan manam lumu la tek lo xamantene moment bi ni ngay dund ttt parce que lolu nit yalla xamnañ ko mom lay jek manam mu nek ci humeur bo xamne neexu dara manam parce que borom bi subhanahu wa ta'ala mo wacc ci sen xol ben sentiment bo xamne njaqare la ak pis ak jaxle ak titange ak wala go xamantene wala bo xamne mom non la lañ def tay lolu la lañ def et que moment bobu amul lo dara lo ci wara def manam c'est que moment bobu bu yexé amul lo dara lo ci wara def loolu xamné borom bi moko tégué nga nangul ko nga womatu ba toroxlu ci kanamam bayyi affaire yi dox après day guen après moment bobu day passer loolu xam nga wouté na ak xalu kele xaw ko wadi be appréhende niveau bobu ben niveau la niveau la moy appréhension bobu nonou ngay am mais soko weso da ngay am dugg ci benen niveau bo xamanteni niveau abdoula voilà manam évolution la évolution bi mom moy avec ngay amé xabd mais day am tamit bastu bastu mom contraire radja la radja moy yakar nit ki day am yakar c'est à dire que day japp né ah man day sama borom baxna man dal xeyna limay def yépp yalla nak wax deug yalla xana nak bu naru buma nar ta fay ma nar ta def may xiwul buma nar ta bolé ci gaay yu bax xana nak duma jaar lo yoon wi ak yoy manam am yaakar gokk yalla dal ak baxam ak lulul lol sax manam dal man sax lu bako moy sax nak xeyna nak bax yalla nak xana vraiment ma ngi manam buma tege ci yoon bi dal c'est parce que manam même bu fekkante ni amna ay recc tamit ak baxam dana far lepp et cetera ak yoy nonou manam xet gogou lolou radja lolou yaakar la mais lolou ben niveau la après dang koy wessu so nekk ci cheminement dang koy wessu ba lolou doto ko khalatata c'est à dire que khawfu ak radja doto ñu amati ci yow doto ñu exister rek ñu exister c'est à dire que da ngay nekk rek ay moment yo xamantene day moment yu humeur yi day neex ak humeur yu nakari jeexna wala wala motax bastu su amé bastu su amé manam moy ñu yalla talal mbir yi nak manam mbir yi yaatu da ngay nek ci moment yo xamne da ngay contane da ngay ci di gis mbaxu yalla affaire yi meex wala do am souci da ngay wala affaire yi wala lool moy bast et que sa legui nak nga commencé yek leer gi nek ci yow leer gu yalla wacce ci yow ay secret yi ngay koy contempler di contane ci lolu lolu moy xalu bastu bi wa ali de def mais lolu mom motax moy ñu ne motax ñuy wax na hein naka lañ fess hadal visat wa iyyaka wal invisat ijlis ala al visat wala wa iyyaka wal invisat wala wala ba aqud al visat wala wa iyyaka wal invisat wala sijada baangi ni lalbe han lal baangi ni me moytu la talal kon lay def day tok rek ah tok rek no propatises voilà ok bo bu heure resan jossé mën nga rétan han yak say andalo yeen ngi ni di waxtaan di bit yeen ngi waxtaané comme ni di re di waxtan la suñu seri voilà voilà kon yoy yep mën nané mais moy tandikul nak di xaqataay bay xalangu voilà c'est ça manam kon voilà affaire da ñu mi moment bobu lool la motax arif billahi nak ñom moment bobu luñu upp appréhension que moment benen bi ci dess qabd bi motax ala mo ñom motax ala mo al arifuna akhwafu minhum iza busitu manaka iza busitu akhwafu minhum iza qubidu voilà ndax xam nga bi qabd bi moment bi nga ci nek yow c'est sûr que ya nga ci moment bo xamne da ngay deugmal ci yalla complètement et que da ngay and ak sa conscience bu total contrairement ak bo nekké ci xalu bast bo nekké ci xalu bast lolu amu ci xalu bastu rakta nga nek ci période bo xamantene da ngay am lan négligence rafla da ngay nek ci négligence tay gina yom ci yow voilà donc niveau yi lool la manam bo nekké ci xawf ak radja moment yi non lay da ngay nek moment yo xamna sa yaakar day yok lool waji nga jek jek ben moment nga tit et cetera ci leug ak yoy wala yoy après bo passé niveau bob état bob doto ko amati yow état bi ngay am moy xab ak bast manam yow da ngay jallal bi tout temps ci digënté ñaari et humeur rek ci ngay jallal bi ko borom bi di la won bopam à chaque fois à travers humeur yoy légi nak lool tamit dang koy wéssu xal bob dang koy wéssu wa nga dem ci al uns ak al hayba voilà manam haybatu mom moy charisme c'est à dire que yow légui charisme borom bi ngay yek doto amati ay halu qabdu bastu dede lool mom motax qabdu ak bastu sok comparer ak niveau ñaarel bi ñettel bi wañéku la mais soko comparer par rapport ak khawf ak raja mat la d'accord qabdu bi mom moy nek uns dëd hayba hayba wala ko moy dem soppé ku nek hayba moy charisme d'accord manam yow légui charisme borom bi ngay gis ci lu nek ak uns moy wétali koko manam wétali ko borom bi wala uns moy compagnie moy uns wa familiarité wala familiarité wala exactement d'accord wala donc yow yow legui après ci xal yoy ñuy nek ci xalu hayba wala yow legui magay borom bi rek ngay gis ñu wax legui xam nga yaang koy gëna jégué ci buntu bobu xam nga bokut ak humeur wala bokut ak une source d'humeur yu metti non non la da nga am stabilité par rapport ak lool et que hayba bi ngay am manam charisme bi ngay am sa digënté ak sa borom ak familiarité bi ngay am sa digënté ak sa borom voilà tantôt nga nek ci bi tantôt nga nek ci bi et que souvent da nga nek ci presque ci sen limite ñoo ñaar en même temps da ngay wétali ko sa borom di yëk ni sa borom mi ngi lay wétali en même temps da nga am charisme en même temps dang ko voilà manam dang voilà c'est à dire que yang koy fonk jox ko geudum gis magayam lepp and ak lolou yeb en même temps yang koy wetliko mais bo tole fi yow entre fini ak fi manam li mo gëna mot yow fi wa effet yow lako yëgëti manam si camp bi ak bastu si parce que ñi ñu gëna mag motax ñu gëna mag ims unsu mo gëna mag bastu xam nga bastu yo effet yi ngay gis effet leer bi mais bi yalla ngay wétaliko xam nga dootu ben hayba bi manam charisme bi makayam ki gëdd gi ngi koy jox ma anana teyu mom lañu teyu ci wolof mag gogo koy jox gëdd gu mag gu ngi koy jox wuté na ak xamnu bi c'est à dire que en même temps c'est avec ay mbir la yo xamné c'est comme ay contraste la yi nek mais non d'accord il y a ñetti niveau yi est ce que manes na len classique comme hadarati afan ak sifati ak fi comme da afan après asma sifati ak hadarati zat wala wa aman non peut-être que beaucoup nous qui a beaucoup nous OK manam li évolution la ci bir voilà wa parce que en fait wa c'est vrai que ni ko waxe ni djegé wona trop que ni wa corrélation bobu djegé wona ko wa que ni af'ali manam moy djuf yi nit ki manam ci lay amé lumuy yaata wala lumuy lumuy ragal et que ci qabdu ak bastu lolu effectivement melo yi la gëna djegé motax ñu wax waxu arif billahi souvent ça parce que arif billahi bo gisé qabdu ak bastu sibir arif billah lañ koy wax et que unsu bi ak hayba bi ñom c'est plutôt bu yusdiqou lay voilà ñom nga xamne borom subhanahu wa ta'ala effectivement en tout cas ci hadara xam nga bon c'est à dire que peut-être hadratu zat wa hadratu zat parce que en fait au moment où même mbir mi manam amatul différence entre touri ak melo yi ci ni ngay amé appréhension par rapport ak manam ci ni ngay amé ci ni ngay gissé mbir mi manam amatul né manam que ni yalla mo melni ba paré melné dédé ça veut dire que même mbir mi moy zat effectivement mom ngay am para mom ngay même mbir mi mom ngay ragal mom ngay jox gëdd en même temps mom ngay wétaliko wala même mbir mi la mais bi mo ci gëna kawé ba ñaari wa ñoo gëna kawé wa ñoo gëna kawé ñatt yi wa motax non en fait manam ni ngi ko expliquer ni buñ ci xalaat dañuy gis na ne que hayba ak uns mom pratiquement bo xolé contraste le mais en tout cas ci ni man ni ko comprendre fi entre charisme ak familiarité bi c'est plus du plaisir manam fi wa parce que da ngay gën di djégué yalla wa parce par exemple effet yi ngay yegg fi ni ak ki bi ni fi do ko yegëti manam dafa melni au final yow manam yoy non du amati xamdu ak basta ni ci gën totalement yow da ngay nek entre charisme bi ak familiarité bi wa té lolu pratiquement manam pour moi banex rek la amul ki dal amul non hay bobi dudu hay bobi da fere ah si d'accord si parce que da ngay xam ni mu magge aussi lo am familiarité ak mom aussi en même temps da ngay xam da ngay xam gëndu voilà gis aussi ma gaayo voilà c'est là que voilà do sañu alors que ki nga xamantene mom moy am basto mom day am tendance parfois imbissa motax ñu koy moy tuddu voilà day am tendance à ce que japp ne tout est acquis moment bi mi am basto alors que moment bi mi am qabdu day japp ne affaire yi tout est lepp yakuna rien ni récupérable mom ce n'est pas plus la peine mais té moment bobu té attention lo ci djim day tax rek qabdu bi gëna yagg lo ci djim motax ngay gis ko am qabdu ni qabdu bi yagg ci mom parce que da fay djim day am lum ci djim pour mu dañ alors que dafa wara xamné rek moment la bu yexé war daat la yu wat ilahi yu wat ci mom ay mbir la yu tuké ci mom mu nek dafa wara xaar rek affaire bi continuer dafa wara xaar rek affaire bi jallu quoi tranquillement moy comme dans la vie de tous les jours hein awami dañuy am lool awami dañuy am de bonne et de mauvaise humeur voilà djoté manam même boudoul buñu lool wala yu di dara dañuy am ay de bonne et mauvaise humeur faut juste attendre que ça passe voilà voilà ça va passer voilà voilà après mu djall d'accord awliya ay tam non lañu amé wa arif billah non lañu amé qabdu ak bastu ay am mo ay attendre que ça passe de yow dañuy continuer di def say jaw yi wa du def li ngay def nek ci li nga ne affaire bi day jaw sans me déranger rek voilà mais nak dafa metti de ayo wuda dafa metti de si mi ngi melni kuy ki hein ku nek de mauvaise humeur rek ay moment la yo xamantene voilà mais fi mom c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'affaire rien ne va plus rien ne va pas marcher et que voilà nous on dira que y a des années qui t'as qui bonheur qui bannir donc on le voit que tu tracasses quoi ah ouais mais c'est un peu le monde surtout que birmi yo d'ailleurs madame birmi tu bois un billet du gars amour yo l'autre qui def amour l'autre champ d'action amour tu d'arrêt en fait au final voilà légi nak lool moy xal yi xam nga ay xal la motax ñu tuddé ko xal parce que dul lo xamantene nit ki daf ci sax lool mu tuddé ko al ahwal mais yépp nak dañoo bax yépp dañoo bax parce que yépp ay feñu way borom bi la même xawf ak radja sax ku ko am ni incarné ko ni deug koku lool début la ci wilaya wilaya la ko lool ci jëm bopam wan moy dilay manam xawf ak radja yaakar gi ngay am ak ragal gi en même temps lool koku wilaya la moy le fait que ngay tok di yaakar di ragal di tipe sa digeunte ak sa borom ak sa euleuk ndax manam do ki dem baw de rek dessé yalla yaqul wala bok dem rek ba li ngay def lepp yalla fek nangou ci dara wala bok ngay def yalla nangou nako waye dem ba ben jamono ngay manam nga def lu waral lepp yaqwa wala bok ngay def sax ba dem ba yawmal qiyamati ah fek amna ko musa togn wala ko ay ak jambour tax ñu jël nangou li nga bo sono yor yep ba ñom sax ñu jox la seeni bakkar faf yoy yep ay xet yoy xetu tit gogu la lolu da ci am lolu nak en même temps da nga wara dundou xal bok en même temps nga dundou benen xal bi moy yaakar bi moy yaakar na yalla de baxna mom xana nak mom wax deug yalla mo tege ci yoon bi xeyna pour sama affaire bax la nangam et cetera voilà et que voilà lima yaakar dal ci mom moy ne manam ak baxam gi moy ma am jox bu rafet ci mom nangam yoy non et que li nga xamantene mom xamna sama matali te mom daf may fay ngir ci mbaxam pa ngir sama man sama matali ak yu mel nonu lolou mais lolou xal la bo xamantene en fait debutant yi ñoko am xal la bu debutant yi am d'ailleurs boko weso sa xal bu doto ko xamati day genn ci day occuper totalement ding ko meuna xam ni manam xam diko meuna expliquer ak yoy mais doto ko dundati manam lolou la djublu ci doto ko xam manam doto ko dundati li ngay dund moy xam do ak basto kesse xam do ak basto rek yalla dila won bopom ci jalal gi wala ci jamal gi budé ci jalal gi moy xabdu budé ci jamal gi moy basto yow en fait doto amati appréhension beul mais moment bi rek ngay dund sam moment bi moment bi la yalla feño dal moy yow doom waxtu nga moy wax wala lola tax jass gogou ñuy comparer na al waqtu ka sayfi waqtu bobu kom waqtu fofu lool luñ ci djublu moy dogal yi manam moy li yalla di doxale mbir mi ci jamono ji moy le moment précis lan la yalla décider moy acte bi yalla décider ci moment précis bi lool lañ djublu ci waqtu fofu lolu comme jassi la voilà da ngay il faut nga yor comportement bi nga wara yor c'est à dire que moy soko daggewul momu dag la il lam taqta bihi qata'ak nga dagge ci nga jël ci dagge ci moy su fekente ne ci manam moment bi num dogale non nga dag accepter ko ni li mo ndogalu yalla ci man voilà nga moment bobu non et que manam moy parti tranchant bi ce qui veut dire que ni lool soko defé lool moy yow ya ko utiliser moy boudé xabdou bi la voilà moy moment bi dafa metti dafa dur dafa ki yalla min may won jamalam jalalam et yoy min may won katanam dolem man manam sañ sañam et que diko neex rek moy am man pa li ma neex et cetera ak yoy ga toroxlu ci kanam d'accord lool won ko ko mu jeex voilà parce que sofi nekki di jema résister dalay dag c'est à dire que lool la moy jass motax ñu compare ak jass c'est à dire que day nekk lu wa lu tranchant par rapport yo contrairement ak bu dé bastu bi la bastu bi nak mom problème bi moy lool mom benen problème bi la am moy woro voilà moment de bonheur le moment de ki la nga yek xewolu yalla ci yow mbaxam secret yi mu wacce ci yow leer yi mu wacce ci yow nga koy contempler nonu ci jabal gi nonu ci taram gi hein mais attention le grand patézé voilà bul talalo voilà bul ciep bul def na mel tek wala delo ci manam loku donc dualité bobu ngay dundou prudence wala parce que yalla meuna nangou lepp tay wala meuna changer lepp toute la situation wala et que bo talalo effectivement lolou ngay risquer lolou ta arif billahi et que ñom ñu ragal moment bobu motax ñu benen moment bi gënal leen xabdu bi motax xabdu bi gënal leen parce que fof au moins xamna ni risque bi danaka amu fa mais sauf xamdu tam dafa metti manam malgré d'accord voilà nga xamne yalla da la njatt ti ki voilà malgré mais yow bobu mom ñom lañu préférer que moment bi nga xam tane son ki over parce que moment xamdu bi tamit nit ki day nek day contempler yalla totalement manam ko tayer lolu ñepp xam nañ ko amé ma wa mi dañ ko xama c'est à dire que moment bi nga xamantene ci lañuy nek ci ay choono ay nakar ay problème ay jafé jafé manam pour ñu déllu ci yalla ci le gëna yombé que moment bi nga xamantene affaire yépp def ni voilà ki dafa yaatu ni yambang ñu nek ci data te lox gi et cetera koku ñoñu bu ñuy dund c'est moment bo bu ñuy dund c'est plus compliqué c'est plus difficile pour ñu déllu wat ci yalla. C'est-à-dire que parce que nous sommes happy, quoi. Nous sommes happy. Voilà, tout simplement. Bon, affaire, moment où nous sommes nature mais nous sommes en moment où nous sommes en ou nous sommes en paix. Ah, vous voyez ça. Mais vous savez ce qui est le plus important que benen moment. Ya nga xamné ay xéewal kessa la affaire yi wala amul problème lepp neexna tout ça Voilà. Et ni ngay war ak moma bu fekke tu es aisé tu es sollicité quoi tu peux aussi vous ne solliciter mom souvent do am gato yawo yalla ni mu bari wa wa mais non mais même boudou lolu c'est à dire que sa xel ci bopom souvent moy genn borom bi manam mom ngay am moment de négligence voilà et que boudé arif billahi c'est négligence pas du non par exemple ay dunu julli dunu wor dunu def yi du lolu et que dañu nek non non non et que dañu dem di def bakar du lol de du lol mom lañuy ragal mais le fait que ñi ragal moy di baña kon nek ci contemplation bobu man di nek ci di mushahada bobu di jakarlo ak yalla tout temps ci bo lol lañuy ragal perte ko voilà mushahada bobu lañuy ragal perte voilà wala leglu sama xabdu bi tamit parfois mu andak aussi ñak xamé lolu parce que mu andak surtout arif yu ndaw yi manam ñi nga xam bon wala ñom leglu xabdu bi andak parce que tay fim tollu bu fekente na moment bu yalla da len tek moment bo xamantene yeguñu ben leer ci seen xol ci seen yaram yeguñu dal affaire bi dafa ñew wala manam c'est à dire que jeexitalu leer gi da ne ci ñom di len jox ben xetu ciawarte euphorie wala yoy daf dañ ko yek dañ ko dindi malam wala yalla dafa yekiti effet bi ci moment bobu da ngay gis parfois ñu am ben ñu am moment de négligence tamit alors que fofu tam war ñu am moment de négligence parfois tamit qabdu bi metti mais souvent qabdu bi mo gëna avantage dal souvent ci ñom que suñu len basto suñu len basto d'accord voilà souvent mais comme ay arif lañ souvent bu yoy amé tamit manam comme par exemple bu ñu yëkëti jéxital gu manam yëguñu ko moñ comme ñuy ci kar yëguñu ci dara manam yëguñu ba neexu ci kar bi yëguñu djégé gi ñi djégé yalla contemplation bi gisuñu ko ci moment bi ñi ci kar yoy loolu len manam voilà mais que dañ ci gissé borom bi ci gënal anam wa dañ ci gissé borom bi ci gënal anam yoy tam maintenant nak légui xal yi voilà moy voilà deug nak réalité mom moy nga mëna am stabilité voilà lool la c'est à dire que ak lu mëna xew nga nek nga am stabilité wu que moment lu mënti lu tadjal yar ni soppeku tadjal yar ni lu nek di soppeku di jallar bi ko nga taxaw di gis borom bi rek tout temps leer yi tamit façon leer yi luñu mën di wouté luñu mën di rot ci yow manam nga mën len di xamé di mën di def différence bi di mën di am stabilité di taxaw c'est à dire que leer yi duñ la yobbu ba euphorie lolu ba nga xamantene do taw mëna taxat parce que leg leg leer yi mën nañ bëri bëri way bo xamné day am xayru manam da ngay am ben genre trouble manam jaxaso voilà leer duñ la jaxati da parce que da nga am stabilité bobu duñ la jaxase da ngay mëna taxaw voilà andak né tout temps lu tajalliyaté wala leer lu mu lat rek nga def nga soppé ko yow tamit manam nga jël couleuru mbir mi yow da ngay melni ndox voilà wala lool moy motax yaaka na mo aljunaid la rabbiyala ñu laj ko arif billah mu ne lawlu ma lawlu ina wala wala couleur ndox mi moy couleuru ndap li wala lool la manam maana bobu la doon dindi le fait que arif billah bi du mëna mel non d'accord wala té lool moy arif billah lool nit ki su ko mëne su mëne mel non rek moy yegg bok na ci arif billah stabilité wala stabilité bobu su ko mëne réaliser ci mais mo commencé ko ci première station bi jëm ci 3ème bi non souvent arif billah ci 2ème bi lañu né d'accord di lañ yegg nak dem ci 3ème bi dagn len tuddé batay arif billah mais plutôt sidiq on ay ñom ñoy gëna am ki bo d'accord haybo bi ak on souri d'accord mais dal ci deuxième ci arif ñom ci deuxième bi ñu commencé non ci lañuy dugg ci lañuy nek ci lañuy nek wa motax ñuy wax qabd ak bastu seen bir d'accord amna ño xamne ay walu yu lañ ñom dañuy nek ci khawfa ak raja ba tay khawfa ak raja amatu mu'minuna lañ ko lañ leen wax dayer mu'minuna ma ñu xamne ñom ñoo julit ñi gëm ñi yalla ni nek fi martaba iman maqama iman ni ñoonu lañuy wax affaire khawfa ak raja dayer ñoonu lo leen wax loolu khawfa ak raja xamuñu ko ñoo mëno leen fi xabdo bastu bi dara leeru ñoom ñu xamuñ ci dara xamuñu ci dara d'accord hein ala mëno leen wax xaw fook bastu ki xabdo bastu bañ xam wax ci sax day xaw compliqué ci ñoom li ñu mëna comprendre moy xawfu ak raja wa ñoom mom mëna ñoo comprendre xawfu ak raja mom mom boal ko waxe da ngay xam lu muy tek ñi nek tamit ci niveau xam dog bastu bi c'est parce que en fait amna nak ñu nek ci xaw fook radio ñi xam lu niveau bobu lañ tole mais so lu expliquer xam dog bastu dinañ ko comprendre dinañ ko comprendre parce que tout simplement dañ ko jégué en fait lool moy leg leg nit wax ci lu mbir mo xamantene du maqamam voilà bokku ñoom nak sa mass gi nga xamantene ñun dañuy expliquer rek manam dañuy di expliquer di joxe exemple di ki ak yoy alors que en réalité dundu ñu deug deug mbir mi donc c'est ça lolu moy mais voilà mais daf ci am nak ño xamantene dañ koy dundu deug deug am ño xamantene dañu jégué mbak manam dañu jégué makawal motax ñu mën ci wax am ño xamantene c'est pas parce que dañ ko jégué mais dañ ko dundou motax ñu man ci wax comme par exemple uns ak hayba gi ni ñu wax lolu da ngay gis ño xamantene mais manu ñu ci wax dara xamuñ ci dara ça ne dit rien du tout mënu ñu comprendre aussi ça veut dire que même li ñu ci wax ni sax buñ ko déggé ça ne dit rien wax mo après mu dia parce que dañ ko sori torop dañ ko sori torop moy comme liñ doon wax ci yakarna amna ñaari jotay mais ñom duñ ko comprendre quoi manam ku yegul ben niveau bi ci lan la wax yakarna xet mi wax nit ñi voilà man yashhadu voilà voilà lu tuké ci yalla man minhum voilà man lu tuké ci ñom voilà ñi nga xamantene par exemple niveau bobu lañ tol ñom tout temps li ñi gis moy lu tuké ci ñom dem ci yalla ils ne comprennent rien tout ça de ay affaire bi légui ci yalla lu tuké ci yalla dem ci ñom ñom ils ne comprennent pas ça xamuñ ci dara loolu mëna wax à moins que wax ji nek comme ñun sans masque ni ñi def rek nga xam dañuy expliquer wax jo xam di joxe exemple par rapport ak terre à terre pour ñu comprendre fa alors qu'en réalité dunduñu ko peut-être à travers loolu mais sinon su du loolu boko waxé ni rek ñu comprendre rien sur l'affaire ne comprendre rien sur l'affaire voilà ak nit am tante a lu tuké ci yalla di delu ci yalla ah non ça il ne comprend pas lolu en fait voilà voilà wala bok compréhension lay doon bo xamantene du and ak yeg yeg voilà parce que comparaison ñun ko exemple yu ñu doon def pour expliquer ko par exemple à travers lolu fa diko xam nañ ko legui mais bon vite fait quoi yeguñu dunduñu moi comme yi tamit en fait le comme là ne comprend rien ci li hein moi wax affaire qabdo bast xamuñu ko parce que en fait xamuñu dunduñu leer bobu niki non boy wax ci unsu ak hayba tamit xamnu ko munu lu xam unsu ak hayba parce que amuñu dunduñu unsu dunduñu hayba ñom yalla amul geud buñ ko jox ni directement parce que yalla la dedet tout temps dafa am par rapport ni ñu situé pour mëna ko jox geud wal alors que ñe nak ñom unsu ak hayba yi mom lañu am moy li wax non bi nga wax né ci pour classification hadarati ci hadar afal hadar sifat manam al asma wa sifat wala ak hadar za donc lolu déjà il faut ñu mën connect manam ba paré aussi il faut que ñu mata ay ak hada mbir mom manam c'est à dire que yoyu non seulement day man di soppé ko selon mbir mi la ak yim waral mais day man day waral day matal aussi ak mbir mom ak la ak teggini day matal tamit teggini wa man sha uha tosamu mbir yoy nak aslana ñaari tosam la ñaara mbir al aflul awwal tosam mu ñeuk bi parce que li pour matal ko moy xal moy nek ko xamantene da ngay meuna nek am stabilité manam da ngay sax ci di sax ci li manam and ak lu tadal yaa ñu wuté lu leer yi ñew ak lu mën ti doon nga mëna sax am ben mais mise ci affaire am stabilité and ak di jallar bi ko manam and ak ne manam di jël couleuru lepp li nga xamantene mom la yoy waral parce que tadal yaa mbir mu def comme par exemple Jalal bu la feño ci côté Jalal dafa am façon bo wara doxale bu la feto ci Jamal mo am façon bo wara doxale lu mbir mi gaaw nak rapidité bi da nga wara sax ci ni nga mel ba para ngay matal ak borom bi ci lolu non ak teggine yamulaj yoy nak dafa am ay manam mbir yoy ci lu muy juddou lolu la wax ni la aslan ñaari tosan la al aslul awwal tosan bu ndek bi moy huwa moy mushahada bi jakkalak al hadarat hadaral qudsi ba jigi day ci tel bi ayni iyani ci beuti gis jakkarlo ci njebe ala ma ci taw li nga xamne hiye mbir moma ala ni non la nek deug deug ci kaw ma mbir ni mu nek deug deug ngay jakkalak affaire c'est à dire que donc il faut nga am cette présence là cette témoignage cette contemplation direct bi nga xamantene da ngay jakkalo mbir la mu nek ci deug deug wa aslul sani ñaaralu ciosan bi moy mahabbatu zati moy sopu yalla nekku yalla borom subhanahu wa ta'ala muqaddasat bi aji sel nga jigi de sel li zati a ngir jëmmi bopam la la ara de deep ngir la garal la lu ko garal xeyr ha lulul yoy lolou lañ do wax leg ni ke ni manam awami munuñu wala ñi nga xamne yegguñu niveau bi ñi wax biñ doon wax leg ni ñom munuñu comprendre lol munuñu comprendre par exemple hayba ak uns parce que lutax parce que ñom fuñuy mel fuñuy yalla tout temps amuñu ki ak mom directement manam amuñu ben relation bu direct ak mom ni il faut que mu am par rapport ak luñ koy situer luñ koy comparer luñ koy natalé d'accord lol mom motax donc koy voilà mais sop yalla yi kessé ngir ni mu doon pas ngir lenen lu fi jaar pas parce que dafa la xewul pas parce que mo bindu nangam pas parce que moy def nangam pas parce que dedet mom ni mu nekk pas parce que lenen voilà légui nak wal aslu tosam al awwalu bu ñëkk bi huwa moy allazi li nga xamne yaqahu ci lay moy ci lay roti ali ci kawam al aslu sani ñaaral bi voilà manam ñaaral bi mi ngi amé ci bu ñëkk bi wa illa sulul lool rek fala ñu du mën déme non sulul lool motax parce que lool pour nga mën ko def il faut ngay gis hadara qudsi hadara yalla bi manam nga koy gis manam beuti djébé voilà ngay mëna jakkar lok mom mu lèr la nga xam nak le pourquoi du comment le quoi et cetera voilà insha Allah voilà الحمد لله والله تعالى على صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين